Tout en bas, c'est le bled immense que domine un petit cordin. Sur la plaine, c'est le silence. Et là-haut, dans le clair matin, une silhouette aux quatre vents jette les notes aiguës d'un clairon. Mais un coup de feu lui répond. Oh là là là là, blessoire, il y a ton autocar dans le passion. Oh, ce mur rêvant de bagarre, ils font du vin dans leur bidon, des livres et des munitions. Oh là là là là, blessoire, là-haut sur les murs du passion, dans le soleil plane la gloire, et dans le vent claque un fagnon, c'est le fagnon de la Légion. Les salopards tiennent la plaine, là-haut, dans le petit fortin. Depuis une longue semaine, la mort prend chaque matin. La soif et la fièvre dessèchent les lèvres à tous les appels de clairon. C'est la mitraille qui répond. Oh là là là là, belle soirée, il reste vain dans le passion. Le torse nu couvert de gloire, ils n'ont plus de jour dans leur bidon et presque plus de munitions. Oh là là là là, belle histoire, claquant au vent sur ma passion, et tout est comme une écumoire. Il y a toujours le fagnon, le beau fagnon de la Légion. Comme la nuit couvre la plaine, les salopards vers le fortin se sont glissés comme des hyènes. Ils ont lutté jusqu'au matin, hurlement de rage, corps à corps sauvage. Les chiens ont eu peur des lions, ils n'ont pas pris la position. Oh là là là là, bête noire, il reste trois dans le bâtiment. Le torse nu tient la gloire, sans l'homme brillant rayon, sans un pas ni munition. Oh là là là là, bête noire, ils sont toujours dans la passion, mais ne peuvent crier victoire. On leur a collé le fagnon, le beau fagnon de la Légion. Mais tout à coup le canon donne, des renforts arrivent enfin. À l'horizon, une colonne se profile dans le matin. Et l'écho répète la fête des trompettes qui montent vers le mamelon. Un cri de là-haut lui répond. Oh là là là là, bête noire, les droits qui tombent dans le bâtiment sur leur poitrine toute noire, avec du sang, traînons de l'eau, on dessine de compagnons. Oh là là là là, bête noire, ils peuvent redresser leur foi.